Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Très content d'être avec vous et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier les gens qui me permettent comme ça d'aller sur vos ondes radio préférées et de tout simplement vous partager la richesse de la musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CGRO 1077 1079 Carlsbad Verse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario, ainsi que la radio web des productions JB au www.prodjb.com. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec la deuxième heure, deuxième partie du bloc de Québec-Ontario, avec une jeune que j'adore énormément. Je vous propose sur ma page Facebook un clip d'une de ses chansons qui s'appelle directement Direction nulle part. Et c'est vraiment très intéressant comme pièce. C'est Jessie Lindsay. J'adore sa voix. On va entendre une pièce qui s'appelle « Je cherche le Nord ». J'espère qu'elle aura un petit démo très, très bientôt, qu'on pourra partager d'autres belles chansons comme ça. Elle a une très belle voix. Autre chanson qu'on va entendre, c'est « Café et champagne » de Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Andrea Lindsay, qui est une francophile de Guelph, en Ontario. Très bonne chanson que vous allez voir, mais pour l'instant, je cherche le Nord, Jessie Lindsay. Tu me dis le bonheur, tu le trouves par erreur. Et moi, je veux y croire. Une grosse décision. Quelle direction me mène à mon pot d'art? Je cherche le Nord. Je cherche le Nord. Sors ta boussole, trouve-moi le Nord. Je veux de la joie en moi. Et pour toi, si seulement j'avais le temps. J'ai peur qu'il soit trop tard. Trouve-moi le Nord. Et j'abandonne tout, on se prend la tête, on s'emprisonne, nous. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? On se questionne, rien ne nous arrête. Mais j'abandonne, et j'abandonne. Hey, hey, c'est temps qui devient fou, j'ai mille et un peut-être. Le présent nous déjoue. J'ai fermé les fenêtres pour tenir le coup. Dans mon périmètre, je nous abandonne. Je nous abandonne. On se prend la tête, on se pardonne tout. C'est faux ce qu'on s'avoue, on se redonne. Rien ne nous empêche, mais j'abandonne et j'abandonne. Love again. Le jeu des fils en envoie pas la peine. Pas la peine. love again. Je n'ai pas nécessairement de parti pris au niveau de la musique franco-canadienne, mais elle, je confesse, j'adore Mélissa Ouimet. Elle nous propose une chanson d'un petit EP qui devrait peut-être arriver cet automne, si je ne me trompe pas. In Love Again, excellente toune, hein? La toune pour nous faire danser en français, c'est celle-là. In Love Again, j'adore énormément. Vraiment, là, c'est très intéressant comme pièce. Allez faire un tour sur YouTube et faites Mélissa Ouimet, In Love Again. Très beau clip réalisé, si je ne me trompe pas, par son copain Bruno Labrie. Et c'est vraiment là, très, très, très, très bonne chanson. Ça nous amène à notre bloc instrumental et on va y aller tout de suite avec un bon ami à moi de l'Acadie, Sean Ferguson. Et excellente chanson, Braise. Il était venu faire un tour à Penetanguishene et puis ça m'a fait plaisir. Et puis, il était content d'être ici parce que je l'ai souvent encouragé. Et il rendait l'appareil en venant jouer chez nous. Donc, très bon guitariste, un virtuose de la guitare, génial. Donc, on va entendre Braise. Par la suite, on va entendre un autre virtuose de la guitare de la région de l'Outaouais. C'est M. Cervantes qui, lui, va nous offrir tout simplement Sahara. Très, très, très bonne pièce. Très rythmée, très world beat. Assez intéressant. Latino aussi, une couleur latino qui est fort intéressante. Donc, Sahara de Cervantes, ça s'en vient. Et à Contact Ontarois, le dernier Contact Ontarois qu'on a eu en janvier 2020, j'ai croisé M. Louis Trudel qui jouait de la guitare pour une artiste, Janie René, voilà, une artiste franco-ontarienne. Et il me disait qu'il travaillait sur un album. J'ai toujours pas de nouvelles, mais on va se rappeler un beau souvenir de son premier album, Overture. Et c'est la pièce Souvenir, justement, qu'on va entendre dans quelques instants. Lui aussi s'en vient sûrement avec un album, peut-être cet automne. On va mettre un homme là-dessus parce que c'est un excellent guitariste jazz. On va entendre ça avec Souvenir dans quelques instants. Mais là, peut-être un son un peu plus contemporain. Voici Sean Ferguson et sa pièce Braise.